إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc la conférence mensuelle de ce mois-ci a pour titre les fondements de la salafia. Et cette conférence est à la base une conférence donnée par le noble cheikh Abdussalam ibn Barjis rahimahullah ta'ala, un cheikh de Riyad qui est décédé très jeune rahimahullah. Il est décédé à l'âge de 38 ans. Il est né en 1966 et il est décédé rahimahullah ta'ala en l'an 2004 d'un accident de voiture. Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné sur Cheikh Ibn Barjis, rahimahullah, après son décès, il a dit, c'est un homme connu, alimun, un savant, da'iyatun ila Allah, un prêcheur à Allah. Il donnait le bon conseil à travers ses livres et ses écrits. Et sa place est connue. C'est-à-dire qu'elle est connue auprès des savants. Walillahi alhamd. Il a fait une conférence intitulée Les bases ou les fondements de la da'wa salafiyya. Je vais bien sûr la résumer car tout citer serait trop long et inshallah ta'ala j'essaierai de parler en arabe le moins possible afin de pouvoir traiter le sujet de façon la plus complète. La da'wa salafiyya est basée sur des fondements. Ces fondements qui permettent de différencier la salafiyya qui n'est autre que la compréhension saine de l'islam. As-salafiyya hiya al-ma'na as-sahih ou al-mafhum as-sahih lil-islam. Qu'est-ce que la salafiyya? C'est la compréhension saine et authentique de l'islam. C'est l'islam comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs et à leur tête notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le cheikh explique dans sa conférence qu'il a choisi ce titre et traité ce sujet pour deux raisons. La première, lorsqu'il a vu que beaucoup de groupes qui sont éloignés de la voie des salafs utilisent ce nom, utilisent la salafiyya, ou utilisent la compréhension saine des pieux prédécesseurs. Ce sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. » Ces groupes égarés utilisent ceci afin, comme le dit le cheikh rahimahullah, afin de s'infiltrer auprès des gens de la sunna et afin d'injecter le poison dans le miel, afin d'injecter le poison dans le miel. Et combien de leurs écrits, de leurs livres, et combien de leurs conférences sont en totale contradiction avec la voie salafiyya, avec la compréhension saine de l'islam, et combien de leurs livres, bien au contraire, viennent soutenir de nombreuses sectes égarées comme Al-Khawarij, comme Al-Mu'tazila et comme les Soufis. La deuxième chose qui a poussé le Cheikh rahimahullah à faire cette conférence, c'est la constatation qu'il a faite en voyant que certains parmi les groupes égarés utilisent des gens de science et soi-disant s'accrochent à des gens de science pour arriver à leur but malsain, tout en sachant que ces gens de science sur qui soi-disant ils s'attachent ou sur qui ils s'accrochent se désavouent totalement de leur méthodologie. Et le cheikh donne un exemple rahimahullah en parlant du groupe des frères musulmans qui ont beaucoup diffusé les paroles du cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, le cheikh de cheikh ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite avant le cheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala. Les frères musulmans ont beaucoup diffusé certaines paroles du cheikh Mohammed ibn Ibrahim dans lesquelles l'on pourrait comprendre qu'il considère mécréant les gouverneurs musulmans. Et bien sûr, il ne diffuse du cheikh que ces paroles-là, que ce qui viendrait soutenir et appuyer leurs idéologies erronées. Alors que la vérité n'est autre que le mensonge qu'ils ont fait à l'égard du cheikh rahimahullah ta'ala. Et al-Sheikh ibn Barjis cite un épître qu'a écrit Muhammad, al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, appelé Nasihatun Muhimmatun fi thalathi qadaya, un épître dans lequel il explique de façon très claire sa position vis-à-vis des gouverneurs musulmans et l'obligation de leur obéir à condition qu'ils n'appellent pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le cheikh a vu cela et lorsqu'il a constaté que malheureusement beaucoup de jeunes ont été trompés et ont été dupés par tout cela, il a décidé de faire cette conférence dans laquelle il citera les fondements de la salafia afin que les musulmans de façon générale et les jeunes de façon particulière puissent différencier entre le véritable salafi, celui qui véritablement se conforme à l'islam authentique, afin qu'il différencie le salafi de celui qui le prétend uniquement de façon mensongère. Beaucoup de sectes prétendent qu'elles font partie des gens de la sunna. Parmi eux, Al-Asha'ira, qui prétendent qu'ils font partie des gens de la sunna, et inculquent auprès des jeunes de nombreuses ambiguïtés, en faisant croire faussement que la majorité des savants de l'islam avaient la croyance asha'arite. Et ceci n'est que mensonge infondé. Et inshallah ta'ala, dans la conférence du mois de novembre, bi'idhnillah, ce sera une conférence entièrement consacrée à la réfutation de la croyance asha'arite et à la démonstration qu'ils ne font en aucun cas partie des gens de la sunna. De même que les frères musulmans prétendent qu'ils font partie des gens de la sunna, alors que entre les bases des gens de la sunna et ceux des frères musulmans, il y a un énorme fossé. Et les règles et les fondements que le cheikh va citer, rahimahullah, ce sont des règles sur lesquelles il y a unanimité entre les savants de la sunna, contemporains comme anciens. Et avant de citer ces fondements de la salafia, le cheikh explique et donne une brève introduction de cette salafia, de façon brève, que la salafia à laquelle nous appelons, ce n'est pas un groupe, Ce n'est pas une secte comme tous les groupes et sectes présents en islam. La salafia, c'est le groupe des musulmans. Toute personne qui adopte la croyance des pieux prédécesseurs s'y accroche et la met réellement en pratique est alors un salafi. Et les salafis, ceux qui vivent dans les pays musulmans, ne s'attachent qu'à leur gouverneur, oulatul amr, les gouverneurs et les savants. Car rentre dans la définition de oulatul amr les gouverneurs musulmans ainsi que les savants. Les salafis ne cachent rien de ce qu'ils ont. Au contraire, tout ce à quoi ils appellent est présent dans les livres, peut-être entendu dans les différentes conférences et prêches. Il n'y a pas d'organisation secrète au sein de la salafia. Et le fait de s'accrocher aux savants de l'islam fait partie, comme on le verra, des fondements de cette salafia. Et à notre époque, les savants de la sunna qui n'ont pas été dupés et qui n'ont pas été trompés par différentes innovations sont nombreux, walillahi alhamd. Et le cheikh cite à titre d'exemple le cheikh Ibn Baz, le cheikh Al-Albani, le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Il cite le cheikh Al-Fawzan, Abdullah Al-Ghudayyan, rahimahullah. Il cite le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Sheikh, le mufti actuel d'Arabie Saoudite. Et il cite entre autres le cheikh Saleh Al-Luhaydan, hafidhahullah ta'ala, et d'autres parmi leurs frères savants qui sont ou qui ont emprunté la même voie qu'eux. Et bien sûr, les salafis ne pensent pas et ne croient pas que ces savants auxquels ils s'attachent, ces savants auxquels ils reviennent, ils ne pensent pas que ces savants sont infaillibles. Bien au contraire, le salafi a la certitude que ce sont des êtres humains qui peuvent se tromper comme ils peuvent oublier. Les salafis s'attachent à la science et occupent leur personne dans l'apprentissage de la science, et ils prennent cette science des savants précités ainsi que de bien d'autres. Les salafis lisent les livres du hadith, ils lisent les livres mères de la sunna qui sont au nombre de 6, ils lisent leurs explications. Ils lisent les livres du tafsir, comme le tafsir de l'imam Ibn Jarir, le tafsir de l'imam Al-Baghawi, le tafsir de l'imam Ibn Kathir et le tafsir de Cheikh Al-Sa'di. Les salafis lisent les livres de la croyance, les livres de la sunna de façon générale, comme le livre du tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, le livre du tawhid du Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, et ils lisent l'ensemble des livres de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, de même qu'ils lisent l'ensemble des livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ils lisent les livres de fiqh et incitent à apprendre les livres de fiqh à condition que celui qui les apprend connaisse les preuves et ne suive pas aveuglément. Les salafis donne une importance à la langue arabe, à la grammaire arabe. Ils lisent les livres de littérature arabe et les livres de poésie. Les salafis appellent les gens à réformer leur personne. Ils appellent les gens à réformer leurs croyances, à réformer leur comportement. Et ils incitent les gens à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils encouragent les gens à mettre en pratique la sunna, et il les encourage également à faire revivre les sunnas oubliées. Et les salafis croient également que celui qui fait en sorte de créer ou de faire en sorte qu'une salafia sectariste existe, comme les groupes égarés existants, eh bien, il considère que cela est une erreur et il se désavoue de cette personne. Et l'on voit beaucoup, certains qui veulent faire de la salafia, ou même qui tentent de faire de la salafia un groupe politique. Et les premiers à l'avoir fait, ce sont certaines personnes au Koweït qui ont voulu, soi-disant, faire un parti politique salafi. Ceci est une erreur et ceci a été condamné par les savants de l'islam. Car un parti politique a des adhérents et celui qui veut adhérer doit être en conformité avec une certaine idéologie. Et celui qui réfute des points de cette idéologie est exclu de ce parti. Ceci contredit le sens même de la salafia. Car comme on l'a dit, la salafia et les salafis, c'est le groupe des musulmans. Et ce n'est pas un groupe sectaire ou une secte comme ceux que l'on a précités, par exemple, tout à l'heure. Puis le cheikh de citer le premier fondement de la salafia, qui est le fait de donner de l'importance à l'apprentissage de la science islamique et de comprendre la religion. Au moment où beaucoup de groupes ont dévié de la science islamique, la salafia donne une importance particulière à l'apprentissage de la science. Car de la science découle la vie et de la science découle la construction de la personne et la construction de la société. Et la personne et la société ne peuvent connaître la droiture sans la science islamique. Pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la science avant la parole et l'acte. Lorsqu'il a dit azza wa jal, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Et sache qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et demande le pardon sur tes péchés ainsi que pour ceux des musulmans, des croyants. Pourquoi la science a-t-elle été citée comme le premier fondement? Le cheikh explique cela en disant que les voies sont nombreuses et toutes les voies sont des voies d'égarement hormis la voie que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin droit, suivez-le, et ne suivez pas les autres voies, elles vous dévieront de son chemin. Et il n'y a pas d'autre issue pour emprunter la voie de la sunna, il n'y a d'autre issue que la science. C'est la science qui te permet de connaître la réalité de la voie prophétique, et c'est la science qui vient illuminer ce chemin. Allah, le prophète, Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. فَقَوْلُهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أي عَلَى بُرْهَانٍ وَحُجَّةٍ وَهُمَا الْعِلْمِ. Allah Azza wa Jalla dit, voilà mon chemin. C'est-à-dire dit au Muhammad, voilà mon chemin. J'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla en toute clairvoyance, c'est-à-dire avec arguments et preuves. Et les arguments et les preuves ne sont autres que la science bénéfique. L'imam Ahmad rahimahullah a dit que les gens ont plus besoin de la science qu'ils n'ont besoin de boire et de manger. Car l'homme, l'être humain, a besoin de manger et de boire dans sa journée une ou deux fois. Quant à son besoin de la science, il est aussi nombreux que sa respiration. Il est aussi nombreux que les souffles de sa respiration. Et il faut savoir, bien sûr, que l'apprentissage de la science est de deux sortes. Il y a la science que chaque musulman se doit de connaître, et il y a la science qui ne doit être connue que par une partie des musulmans. La science qu'il est obligatoire à chaque musulman de connaître est la science des bases de la foi, la science des législations de l'islam. Il doit connaître ce qu'il, les péchés, les interdits qu'il ne doit pas commettre. Il doit connaître également ce qu'il lui est autorisé de faire. Il doit connaître les transactions qu'il lui est autorisé d'accomplir également. Tout ceci doit être connu par la personne. Et de demander aux gens de science, de poser la question aux gens de science, fait partie du talab al-ilm, fait partie de l'apprentissage de la science. Et celui qui pose des questions aux savants a fait son devoir, car Allah Azza wa Jalla a dit: et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Quant à la science qui n'est obligatoire que pour une partie de la communauté, c'est l'apprentissage des sujets autres que ceux que l'on a précédemment cités. Et le fait d'apprendre la science est plus méritoire que de faire des adorations surérogatoires. Ceci selon la parole la plus forte des savants. Comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, d'apprendre la science et de l'enseigner est meilleur que le jihad et autres adorations surérogatoires. Le deuxième fondement qu'a cité le cheikh, rahimahullah, c'est la volonté de mettre en pratique l'islam. Al-hirsu ala tatbiq al-amali lil-islam. Et ceci, de mettre en pratique l'islam, c'est-à-dire de mettre en pratique tout d'abord les obligations, comme les cinq prières, comme d'être bon envers ses parents et autres. Comme cela englobe également le fait de mettre en pratique la sunna et de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que le musulman le peut, comme de mettre en pratique les adorations surérogatoires, d'accomplir la prière du witr, la prière nocturne, de donner fi sabilillah des aumônes. Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah, qui faisait partie des tabi'in, a dit: nous ont rapporté ceux qui nous enseignaient le Coran, c'est-à-dire à sahaba, les compagnons, qu'il demandait à lire le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils n'apprenaient pas autre chose jusqu'à les mettre en pratique. Et ainsi, ils apprenaient le Coran et le mettaient en pratique à la fois. Ceci est la voie des pieux prédécesseurs. Ils associaient la science à la mise en pratique. Car le fait de mettre en pratique la science te permet d'échapper à cette immense menace dont Allah Azza wa Jal a parlé dans Sourate As-Saff: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Et dans la mise en pratique de la science, il y a l'arrivée au but de l'apprentissage de la science. Car l'apprentissage de la science est un moyen et le but recherché par cela est la mise en pratique. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit: le savant ne cessera d'être savant de ce qu'il ne cessera d'être ignorant de ce qu'il connaît jusqu'à ce qu'il mette en pratique. Et lorsqu'il mettra en pratique, il sera alors un savant. Le savant reste ignorant de ce qu'il connaît jusqu'à ce qu'il le mette en pratique. Et lorsqu'il le mettra en pratique, il sera alors un savant. Ainsi, la Salafia donne une immense importance à ce fondement qui est la mise en pratique de la science et appelle les gens à cela, de se préoccuper à mettre en pratique la science. Et si les jeunes, si la jeunesse musulmane avait mis en pratique ce fondement de la Salafia et avait délaissé les choses dans lesquelles ils sont entrés et qui n'est pas de leur ressort, comme le fait de s'occuper de la politique, par exemple. Et certains groupes appellent les jeunes à cela. À leur tête, le groupe des frères musulmans, qui appelle les jeunes musulmans à rentrer dans la politique, qui appelle les jeunes musulmans à se syndicaliser, etc., etc. Et l'on voit malheureusement que ce type de jeunes qui ont emprunté cette voie appliquent très peu l'islam. Ainsi, il est du devoir des jeunes musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en pratique et de se préoccuper de ce qui leur sera bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le troisième fondement qu'a cité le Cheikh rahimahullah, c'est l'appel à Allah avec clairvoyance. Ad-da'watu ilallahi ala basira. Lorsqu'Allah azza wa jal comble de bienfaits le musulman par la science et par la mise en pratique, il se doit alors d'apporter ce bien aux gens en les appelant, en les conseillant et en les dirigeant. Et ceci est ce qu'ont fait les prophètes d'Allah alayhi wassalam. Allah azza wa jal a dit en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Dit, voilà mon chemin, j'appelle à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la place de celui qui appelle à lui. Il dit azza wa jal, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quelle parole est plus belle que celui qui appelle à Allah et fait des œuvres vertueuses et dit « Je fais partie des musulmans ». Quant à la récompense de celui qui appelle à Allah, elle est immense. Celui qui appelle à Allah a la même récompense de ceux qui l'auront suivi dans le bien sans que la récompense de ceux-ci ne soit diminuée. Et dans le hadith de Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si Allah guide par ta cause un homme, un seul homme, cela est meilleur pour toi que la chamelle rouge. Et l'on doit savoir que dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui appelle à Allah azza wa jal n'est pas obligé de connaître toute la législation musulmane. Il n'est pas obligé d'être un savant. Il doit, par contre, connaître parfaitement le sujet auquel il appelle et le sujet qu'il transmet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Lorsque le musulman connaît un verset, et lorsqu'il en comprend le sens, comme l'ont compris les savants et les exégètes du Coran, lorsqu'il apprend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en connaît les jugements, comme l'ont cité les savants et le transmet à autrui, cela lui est autorisé, même s'il n'est pas savant en islam. Il faut savoir également que les moyens d'appeler à l'islam ne sont pas à la portée, ne sont pas son tawqifiyya, c'est-à-dire wasa'il ad-da'wa tawqifiyya, c'est-à-dire que les moyens de faire la da'wa sont restreints. Tu ne fais pas la da'wa comme tu veux. Tu n'appelles pas à Allah comme bon te semble. Tu appelles à Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Allah, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appelé à Allah. Et le cheikh cite l'exemple de la dureté des salafs vis-à-vis des gens du sama'. Qu'est-ce que as-sama'? As-sama', ce sont des assises que font les soufis. Des assises dans lesquelles ils font des rappels, ils font des chants, et ceci dans le but de renforcer leur foi et d'adoucir leur cœur. Et les salafs étaient très durs vis-à-vis de cela. Même si ces assises ne comportaient pas d'instruments de musique. Car la plupart de ces assises comportent des instruments de musique. Et les salafs condamnaient ces assises même si elles étaient dénuées de tout instrument de musique. Car même si d'écouter ces rappels adoucit le cœur, il n'y a rien qui vient prouver cela, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucun des pieux prédécesseurs ne l'a fait. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant au sama', dont il est voulu de réformer les cœurs, c'est-à-dire ceux qui se réunissent pour écouter des chants ou autres dans le but de réformer le cœur et de purifier leur âme, que ce soit à travers des chants nus, c'est-à-dire sans instrument de musique. Ceci est une innovation en islam. Et ceci a été innové après les trois générations bénies, sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure de ma génération est celle dans laquelle j'ai été envoyé, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Puis, Cheikhul Islam, rahimahullah, dit, et de façon générale, le croyant doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé une chose qui nous rapproche du paradis sans qu'il ne nous en ait parlé. Et il n'y a pas une chose qui nous éloigne de l'enfer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en ait parlé. Et ces assises, s'il y avait un bien dans cela, Allah et son prophète les auraient légiférées. Or Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et même s'il y a dans cela un bénéfice pour le cœur, mais que rien dans le livre et dans la sunna ne vient le prouver, alors n'y prête pas attention. Écoutez cette parole de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Et même si tu y trouves un bénéfice pour ton cœur, car ceux qui assistent à ces assises disent: mais ça me fait du bien. En écoutant cela, mon cœur s'apaise et je sens que mon âme se purifie. Il n'y a ni preuve dans le Coran, ni dans la Sunna qui vient prouver cela. N'y prête donc pas attention, car ce n'est qu'une innovation. Et Cheikh Ibn Barjis rahimahullah dit dans la parole de Cheikhul Islam: et lorsque le cœur y trouve un bénéfice, mais que tu ne trouves pas de preuve de cela ni dans le Coran ni dans la Sunna, cela est une réponse des plus fortes à ceux qui autorisent les mises en scène dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceux qui utilisent les mises en scène pour appeler à Allah azza wa jal, ceux qui font des scènes de théâtre en faisant apparaître des personnes perverses ainsi que des personnes croyantes et de créer une histoire virtuelle et de faire en sorte que les gens en tirent une morale, ceci est un moyen innové en islam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de faire des mises en scène? Oui ou non? Est-ce qu'il avait la possibilité de le faire? Oui. Est-ce que les compagnons radiallahu anhum avaient la possibilité de faire des mises en scène? La réponse est oui. L'ont-ils fait? La réponse est non. Et Cheikh Ibn Barjes dit ceci, cette parole de Cheikhul Islam est une réponse des plus éloquentes à ceux qui autorisent les mises en scène pour appeler à Allah. Car il y a peut-être et certes un bienfait dans les mises en scène. Les cœurs peuvent être adoucis par cela et les gens prêtent souvent attention à ce type de moyens. Il y a bien donc des bénéfices, mais rien ne le prouve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ceci suffit à condamner cette chose. Le quatrième fondement, le quatrième fondement de la salafia, c'est de donner de l'importance à la croyance des salafs en l'apprenant, en la mettant en pratique et en l'enseignant. Et malheureusement, ce que l'on entend ces dernières années, on entend des paroles qui viennent rabaisser la croyance et viennent exclure la croyance musulmane des priorités. Certains groupes disent que les sujets de croyance sont des sujets secondaires. Certains ont même dit en quoi le fait d'attester à Allah une main ou de ne pas lui attester serait un problème. Et ceci est sans aucun doute une catastrophe. Et il est connu chez tous les musulmans que la croyance du tawhid a une immense place en islam. Allah Azza wa Jal n'a créé les créatures que pour l'adorer. Il dit Azza wa Jal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jal n'a envoyé les prophètes et n'a révélé les livres que pour mettre en pratique le tawhid et appeler les gens au tawhid. Il dit Azza wa Jal, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons envoyé avant toi de prophète sans qu'il ne lui ait été révélé nul ne doit être adoré que moi, adorez-moi. Et le premier ordre dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés. Peut-être connaîtriez-vous la crainte. Et le premier appel qu'on fait chacun des prophètes d'Allah à leur peuple, et de dire comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit, Ya qawmi i'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Allah pendant 23 années. Dans ces 23 années, 13 années sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 années à la Mecque. Pendant les dix premières années à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait au tawhid et combattait le shirk et mettait en garde contre le polythéisme et le reste de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a passé à raffermir la croyance du tawhid et à la rendre ferme et à expliquer les jugements islamiques. Tout ceci nous prouve que nous devons donner une immense importance à la croyance musulmane en l'apprenant, en l'enseignant, en la mettant en pratique et en appelant à celle-ci. Il y a de nombreux mérites à apprendre sa croyance. Parmi ces mérites est qu'un cœur dont le tawhid est complet ne saurait rentrer en enfer. Le fait d'apprendre le tawhid apporte aux musulmans la guidée complète et la sécurité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui met en pratique le tawhid fera partie de ceux qui bénéficieront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les actes et les paroles sont suspendus dans leur acceptation et dans la récompense qui en découle au tawhid. Plus le tawhid est complet, et plus tes actes et tes paroles seront acceptés et récompensés. Le fait aussi d'apprendre et de mettre en pratique le tawhid permet aux serviteurs de se sauver de l'emprise des créatures. Il n'a plus peur des créatures. Il ne s'attache plus aux créatures. Il n'espère plus des créatures. Il n'œuvre plus pour les créatures. Il aura alors obtenu la véritable puissance et il aura atteint l'honneur suprême. Ainsi, ceux qui appellent à Allah, subhanahu wa ta'ala, doivent donner au tawhid une immense importance. Certains disent, pourquoi donnez-vous autant d'importance au tawhid? Pourquoi ne vous préoccupez-vous pas des situations des musulmans? Les musulmans sont tués par-ci et par-là, et vous vous appelez à détruire les mausolées et à éradiquer les mosquées qui ont été construites sur des tombes. Nous leur disons que celui qui dit cette parole, soit il a oublié, ou soit il fait semblant d'oublier la parole du père des prophètes, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah azawajal en disant « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. L'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont Allah azawajal a fait une communauté à part entière, Ibrahim alayhi salam, sur lequel Allah azawajal a dit Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse, c'est-à-dire de transmettre. Ibrahim, dont Allah azawajal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre la voie. Ibrahim qui a été éprouvé par Allah azawajal en lui demandant de sacrifier son propre fils et il a mis en pratique l'ordre d'Allah. Ibrahim alayhi salam qui a cassé les statues de ses propres mains. Ibrahim alayhi salam qui a fait preuve d'une immense force et d'une forte condamnation des polythéistes. Malgré tous ses mérites cités et bien d'autres, il avait peur de tomber dans le polythéisme. Il avait peur même de tomber dans la plus grave des formes de polythéisme, qui est d'adorer les statues. Si je demandais à l'un d'entre vous, qui aujourd'hui serait capable d'adorer une statue? Qui? Est-ce que l'un d'entre vous a peur d'adorer une statue? Très peu. Ibrahim alayhi salam demande à Allah azawajal de le préserver d'adorer les statues. qui est la forme la plus grave de polythéisme. Que dire de toutes les formes de polythéisme qui viennent en dessous? Pour cela que Ibrahim al-Taymi rahimahullah a dit, et qui peut se sentir à l'abri du polythéisme après Ibrahim alayhi salam? Le cinquième fondement de la salafiyya, c'est le fait de donner de l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la volonté de la mettre en pratique et d'appeler à cela. Le musulman met en pratique et suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'efforce de reproduire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, et ceci autant qu'il le peut. Car ce que recherche le musulman, c'est la guidée. La guidée qui l'amène à la demeure ultime, qui est le paradis. Rahmakallah. Et pour être guidé, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidé. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et suivez-le, vous serez sûrement bien guidé. Et il dit aussi, Azza wa Jal, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et il y a certes dans le prophète d'Allah le meilleur, un bon exemple pour celui qui espère Allah et son jour dernier et évoque Allah beaucoup. Et ce verset est un fondement immense dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le suivre dans ses paroles, dans ses actes et dans l'ensemble de ses situations sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que l'honneur du croyant et la place qu'il aura se jauge par le suivi qu'il a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus il suivra scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus sa place sera grande. Les salafs parmi les tabi'in considéraient cela comme une jauge qui leur permettait de savoir de qui ils prenaient la science. Les tabi'in, qui font donc partie des salafs, des premiers salafs, lorsqu'ils prenaient la science d'un homme, ils regardaient comment cet homme était attaché à la sunnah. Comme le dit Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, qui fait partie des plus grands tabi'in. Il dit, lorsqu'il se rendait chez un homme afin de prendre de lui la science, il regardait sa prière et il regardait la sunna. Il regardait son apparence, puis prenait de lui la science. Et certains savants ont dit, pour connaître celui qui est aimé d'Allah, il regardait si cette personne suivait l'aimé d'Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jal dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc si tu veux savoir si une personne est aimée chez Allah, regarde comment cette personne suit l'aimé d'Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes sont nombreux dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui encouragent à mettre en pratique la sunna et à s'y cramponner. Parmi les hadiths les plus populaires et les plus connus, le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés, après moi mordez-y avec vos molaires. De suivre la sunna et de la mettre en pratique apporte énormément de bénéfices. Celui qui se conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Qudusi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Le fait de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient compenser les manquements que tu aurais pu faire dans tes obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, regardez si mon serviteur a fait des actes surérogatoires. S'il a des actes surérogatoires, alors complétez le manquement de ses obligations par ses actes surérogatoires. Et les salafs étaient très durs vis-à-vis de ceux qui délaissaient certaines sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois ils condamnaient de façon catégorique et totale les personnes qui délaissaient certaines sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils considéraient que cela rentrait dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Ainsi, l'imam Ahmed rahimahullah a dit, celui qui délaisse al-witr est un homme mauvais. Il n'est pas permis d'accepter son témoignage. Tout ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous empresser à la mettre en pratique. Et la salafia nous enseigne, et fait partie des fondements de la salafia, d'enseigner aux gens cela, afin qu'Allah azawajal nous accorde la récompense de celui qui aura fait revivre une sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le sixième fondement de la salafia est le fait d'avoir un lien solide avec les savants de la sunna. Le mérite des savants et la place qui est la leur est connue de tout le monde. Et certains pensent ou mélangent le fait de s'accrocher fermement aux savants et confondent le fait de s'accrocher aux savants et de les suivre aveuglément. Et ceci est un grand danger. Le fait de s'accrocher aux savants, c'est-à-dire de prendre de la science, c'est-à-dire de profiter de leurs directives, cela signifie également de les suivre pour celui qui n'a d'autre choix que de suivre la parole du savant parmi la masse des musulmans. Ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder dans les preuves du Coran et de la Sunna. Il pose la question au savant, le savant lui donne la réponse et il se fie à la réponse du savant. Cela est autorisé, car il n'a d'autre choix que de prendre en considération la parole de ce savant connu pour son suivi de la Sunna. Et le Cheikh Ibn Barjis rahimahullah dit que si nous nous attachions à l'imam Ahmed, à l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab et à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, eh bien Allah azawajal nous aurait préservé de sombrer dans l'innovation et de dévier avec les courants faux qui se revêtit du vêtement de la sunna alors que la sunna se désavoue totalement d'eux. Puis le cheikh de dire que la faiblesse qui touche les musulmans est apparue lorsqu'ils ont délaissé la voie que nous ont tracée les savants de la Sunna et ont préféré suivre la voie que des personnes ont apportée d'Égypte, d'Inde ou d'autres pays. Bien sûr, le cheikh, lorsqu'il parle de l'Égypte, il parle des frères musulmans. Et lorsqu'il parle de l'Inde, il parle du groupe de Jama'at al-Tabligh. Et ces méthodologies et ces groupes sont éloignés de la voie des salafs. De s'accrocher aux savants, je me permets une parenthèse. Car on entend beaucoup ces jours-ci, ces mois-ci, ces dernières années, des attaques et des critiques qui viennent de partout, qui viennent critiquer les salafis en disant qu'ils ne se préoccupent que des mises en garde et qu'ils passent la majeure partie de leur temps à parler sur les savants, à parler sur les prêcheurs de l'islam. Et ceci est faux, totalement faux. L'on en est au sixième fondement. Est-ce qu'on a parlé de mise en garde encore? Non. La salafia, ou les salafis, ne passent pas la majeure partie de leur temps à mettre en garde. Jusqu'au point où, maintenant, de plus en plus d'attaques sont dirigées sur le noble savant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Hafidhahu Allah ta'ala wa shafa'ah. Certains pensent que c'est un jeune qui est sorti de nulle part. Cheikh Rabi', hafidhahullah, était le responsable de la section de Aqidah dans l'université de Médine. C'est un cheikh dont les grandes montagnes de science ont attesté de la science et de la droiture. Cheikh Rabi', lorsqu'il répond à une personne, il vous cite la parole de cette personne. Il vous cite le numéro de la page, le titre du livre. Il vous cite quelle édition il a eu entre ses mains et le numéro de page qui correspond à cette édition. Car un livre peut être édité par plusieurs maisons d'édition et donc la numérotation des pages peut différer. Et il répond en montrant l'égarement de cette personne, en s'appuyant par les preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des salafs. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas une personne sur qui Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah a parlé sans que, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, la déviance de cette personne s'est avérée. Et certains disent que les salafis suivent aveuglément un Cheikh Rabi' et disent qu'il y a maintenant une nouvelle secte qui est al-Madkhaliya, le madkhalisme. Nous leur disons « Kaburat kalimatan takhruju min afwahikum » Quelle immense parole vient sortir de votre bouche et quel immense mensonge vous venez de proférer. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali a été questionné il n'y a pas longtemps encore. Est-ce que l'on doit prendre toutes vos positions? Le cheikh a dit non, suivez la vérité. Et lorsque l'on a insisté sur le cheikh, sur cela, et que beaucoup de gens disent que les salafis vous suivent aveuglément, le cheikh a répondu, dites à ces personnes d'écrire un livre dans lequel, un livre qu'il nomme l'interdiction de suivre Cheikh Rabi' aveuglément. Dites-leur d'écrire un livre qu'ils appellent l'interdiction de suivre Cheikh Rabi' aveuglément et je préfacerai ce livre. Et il leur a dit, je ne peux pas faire plus que cela. Billahi alaykoum. Un cheikh qui vous dit, ne me suivez pas aveuglément, suivez la vérité, suivez la voie des salafs. Écrivez un livre que vous nommez l'interdiction de suivre Cheikh Rabi'. Apportez-le-moi, et je vous le préface. Est-ce un cheikh qui appelle à ce qu'on le suive aveuglément? Ainsi, et ce que dira Cheikh plus tard, Ibn Barjis, les gens de l'innovation, les gens qui suivent les passions, lorsqu'ils constatent que des personnes les dévoilent, lorsqu'ils constatent que des personnes viennent comme des obstacles au but qu'ils veulent atteindre, eh bien, ils s'autorisent de mentir sur ces personnes. Et ils s'autorisent de forger sur eux des mensonges. Et ils s'autorisent de calomnier ces personnes. Le septième fondement de la salafie, c'est s'éloigner de tout sectarisme et de tout groupe. Les groupes sectaires ont divisé la communauté musulmane. Ils ont divisé la communauté musulmane en apportant leurs pensées et leurs règlements. Parmi ces groupes, le groupe des frères musulmans et le groupe de Jama'at al-Tablir et bien d'autres. Et le cheikh de dire que malheureusement, certains veulent également faire de la salafiyya un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il dit, rahimahullah, que nous nous désavouons auprès d'Allah de ceux qui veulent faire de la salafiyya un groupe et nous demandons la protection d'Allah contre celui qui voudrait faire cela. Allah Azza wa Jalla nous a appelé les musulmans dans son noble livre et il cite le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et appelez-vous par le nom d'Allah par lequel il vous a appelé, ibad Allah al-muslimin al-mu'minin, les serviteurs d'Allah, les musulmans et les croyants. Ce nom, cette appellation, musulmans, serviteurs d'Allah, croyants, il n'y avait pas d'autres appellations au début de l'islam. Mais lorsque les innovations sont apparues et lorsque les passions se sont propagées, et lorsque les gens de l'innovation se sont de plus en plus éloignés de l'islam, nos pieux prédécesseurs n'ont eu d'autre choix que d'utiliser des qualificatifs qui viennent les différencier de ceux qui sont égarés. Ainsi, les salafs s'appelaient Al-Jama'a, Al-Firqatul Najiya, le groupe sauvé, Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, comme ils se sont appelés les salafs, les gens du hadith, les gens du athar, ahlu sunnati wal jama'a. Et les salafs ont utilisé toutes ces appellations pour de nombreuses raisons. Nous voyons et nous constatons que les salafs, lorsque ils étaient confrontés à l'innovation, disaient « Nous sommes les gens de la sunna ». Et lorsqu'ils constataient que les gens faisaient prévaloir leur raison au texte, ils disaient « Nous sommes les gens du hadith et du athar ». Et toutes ces appellations ne sont pas des appellations qui appellent à suivre aveuglément une autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je vous pose la question, les salafis, qui suivent-ils? Vous me répondrez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je vous demande, les frères musulmans, qui suivent-ils? Vous me répondrez, ils suivent Hassan al-Banna, leur fondateur. Je vous demande, qui Jama'at al-Tablir suivent? Vous me répondrez, ils suivent Mohamed Elias, leur fondateur, et ainsi de suite. Également, lorsque les salafis utilisent ces appellations pour se différencier des gens de la sunna, des gens de l'innovation, ils ne font pas al-wala wal-bara sur une quelconque personne. C'est-à-dire que les groupes innovés t'aiment si tu aimes leur fondateur. Ils t'aiment si tu aimes ceux dans quoi ils sont. Si tu critiques leur fondateur, ils te détesteront. Si tu n'es pas d'accord avec leur idéologie, ils te détesteront. Les salafis aiment et détestent en fonction de l'islam. Plus tu mettras en pratique l'islam, plus le salafi t'aimera. Et plus tu t'éloigneras de l'islam, et plus le salafi te détestera. Ainsi, le septième fondement de la salafia, c'est le fait de condamner toute forme de sectarisme. Ceci nous amène à attester et à montrer l'importance de rester avec le groupe des musulmans. Et il n'y a pas de religion sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imam. Et il n'y a pas d'imam sans obéissance et écoute. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: point d'islam sans jama'a, sans groupe des musulmans. Et point de groupe sans imara, sans gouverneur. Et point de gouverneur sans obéissance. Ainsi, le sens islamique de jama'at al-muslimin, du groupe des musulmans, ce sont ceux qui sont frères entre eux, tout en suivant la voie prophétique, conforme au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sous l'autorité d'un gouverneur musulman. Et ces groupes égarés ont en réalité divisé les musulmans, car ils ont emprunté une voie autre que la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le cheikh de dire: prenez garde à tous ces groupes sectaires. Prenez garde à tous ces groupes sectaires. Et je m'ouvre une parenthèse pour prouver que les groupes sectaires sont eux, ce sont eux qui ont divisé la communauté musulmane. Et ce n'est en aucun cas les salafis. Les salafis suivent l'islam authentique. Ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent en garde contre les innovations. Ainsi, ce ne sont pas eux qui divisent la communauté musulmane, mais ce sont bel et bien les autres groupes sectaires et égarés. Et certains savants donnent l'exemple d'une feuille blanche sur laquelle l'on marque des cercles de différentes couleurs. Un cercle rouge, bleu, vert, jaune, etc. sur cette feuille blanche. Et au final, laisser un seul et unique cercle blanc. Celui à qui cette feuille sera présentée et à qui l'on demandera: que penses-tu de ce cercle blanc? Il dira: c'est un cercle de couleur blanche, comme il y a un cercle de couleur bleue, noire, vert, etc. Il considérera ce cercle blanc et le mettra au même piédestal que les autres cercles. Or, ce cercle blanc n'est autre que la base, n'est autre que l'origine, n'est autre que la couleur de l'islam purifié. Et de dire que ce cercle blanc est identique à tous les cercles de couleurs qui sont venus entacher cette feuille est de l'injustice. Ainsi, la salafia, au milieu de tous ces groupes égarés, on peut lui donner l'image de ce cercle blanc pur, de ce cercle blanc clair au milieu de tous ces cercles de couleurs différentes. Alors, le huitième fondement de la salafia, c'est le fait de s'accrocher aux preuves du Coran et de la Sunna et de s'accrocher à ceux qui a fait l'unanimité des salafs dans le comportement que l'on doit avoir avec nos imams et nos gouverneurs musulmans. Les salafis obéissent, écoutent et obéissent aux gouverneurs musulmans tant qu'ils n'appellent pas à une désobéissance. Les salafis n'autorisent pas le soulèvement contre le gouverneur musulman, quel que soit le péché qu'il a fait. Sauf, comme l'a dit le prophète sauf si vous voyez une mécréance claire. Et ajoutez à cela, comme l'ont dit les savants de la sunna, le fait de voir la mécréance claire ne suffit pas uniquement pour autoriser un soulèvement contre un gouverneur. Mais il faut aussi en avoir la possibilité. Il faut aussi en avoir la capacité. Nous conseillons les gouverneurs musulmans, conformément à l'islam, en toute sincérité et véracité. Et nous leur donnons le conseil en secret. Nous invoquons en leur faveur, afin qu'Allah Azzawajal les réforme, ceci que l'on soit en privé comme lorsque l'on est en public. Car dans la réforme du gouverneur, il y a la réforme de tous ceux qui sont sur son autorité. Et nous condamnons ceux qui les insultent et ceux qui parlent en mal sur eux devant le grand public. Car ceci amène à deux choses. Soit cela va encourager les gens à se soulever contre eux, ou soit cela va amener les gens à leur désobéir. Al-Sheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est donc le petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a écrit une lettre qu'il a dirigée à l'un de ses frères pour qui la position à adopter en temps de trouble n'était pas claire. Et il lui a conseillé, il lui a donné des exemples historiques. Parmi les exemples historiques qu'il lui a donnés, il lui a dit, et je te donne l'exemple de l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui est connu dans la communauté pour son injustice et pour avoir fait couler énormément de sang. Il a transgressé les limites d'Allah. Il a tué des personnes notables dans la religion, comme Saïd ibn Jubayr, comme Ibn Zubayr et Abdullah ibn Umar, qui a vécu au temps de l'Hajjaj ibn Yusuf. Abdullah ibn Umar, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas contredit et ne s'est pas abstenu de lui obéir dans les choses conformes à l'islam. Et également ceux qui, durant son époque, parmi les tabi'is, comme Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim al-Taymi et bien d'autres parmi les grands tabi'in qui ont obéi à Al-Hajjaj ibn Yusuf dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, malgré que ce fût été un tyran et malgré qu'il tuait des personnes notables. Et ainsi ont fait les imams de l'islam. Ils ordonnaient d'obéir aux gouverneurs musulmans dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé et de combattre à leur côté, que ce gouverneur soit pieux ou pervers, comme ceci est connu dans tous les livres qui traitent de la base de la croyance musulmane. Banu al-Abbas, qui ont pris le pouvoir dans les pays musulmans par l'épée, personne parmi les savants ne les a aidés dans ce soulèvement. Et Banu al-Abbas ont tué un nombre incalculable de personnes, parmi Banu Umayya, parmi ceux qui gouvernaient avant eux. Ils ont tué Ibn Hubayra, le gouverneur d'Irak. Ils ont tué Al-Khalifa Marwan, jusqu'à ce qu'il a été rapporté que As-Saffah a tué en un seul jour plus de 80 personnes parmi les Banu Umayya, qui avaient dirigé avant Banu Abbas les pays musulmans. Et qu'est-ce que ce Safah a fait? Il a pris les cadavres de ces personnes, il les a recouvertes de tapis, puis il s'est assis sur ces cadavres et a demandé qu'on lui apporte à boire et à manger. Malgré tout cela, des imams comme Al-Awza'i, comme l'imam Malik, comme Al-Zuhri, comme Al-Layth ibn Sa'd, comme Atta ibn Abi Rabah, ne se sont comportés avec ce genre de gouverneur comme cela est connu pour toute personne qui a lu les livres de science. Ils se sont comportés envers ces gouverneurs tyranniques en leur obéissant.